On vit avec le temps, c'est apparemment là-dedans qu'on apprend. Virtuellement ça dérange, alors qu'on télécharge nous pour faire des échanges. On fait pas du vol, ceci existait bien avant Rome. Et vos contrôles de Mario, j'en rigole. Sur le net, c'est pas net, achète des lunettes et tu verras. Le cyber internet monte en flèche, gros pôle, plaque tournante du biz. Quand tu vois les chiffres, ça frise l'audimat, y'a pas photo. Alors arrêtez de nous mettre des étiquettes sur des préfixes qui sont illicites, comme ça existe dans la vie sur internet. Je préfère en parler, avoir le choix de lire des sites populaires en live direct. C'est indirect de soumettre des idées sans débattre. Le piratage, une règle, un sens, les chiffres sont là. L'industrie s'est jamais mieux portée qu'il y a 10 ans. On mettait sur des bénéfices, chiffre d'affaires en hausse. Mais j'ose oser le ton à tous ceux qui piratent pour faire de la propagande. Faire avaler la pilule, c'est mon but. Je poursuis les petits car je suis un lâche à l'étage supérieur. Je passe le temps à créer des sites pour être constructif. C'est pas que je veux changer le monde, mais pouvoir être reconnu. De toute façon, ma façon d'être, c'est d'être moi. Afficher une identité, proposer un contenu, m'exhiber pour expliquer que de franchir un pas, c'est d'avancer. Qui peut m'arrêter? On peut pas me contrôler. L'autoroute de la voie IP est dégagée. Ils ont voulu mettre des mines avec Adopi, mais qui ça va nous stopper? Arrêtez de prendre la minorité pour la majorité, c'est pour ça que je crée des idées sur du papier. L'état des lieux est ennuyeux, ça préoccupe pour eux, et nous ça nous occupe. Un divertissement où on prend l'apparence et le déguisement qu'on veut. Ceci s'est répandu comme un besoin, l'informatique on peut la critiquer, mais cela reste révolutionnaire. Une des plus grandes avancées du dernier siècle. Bientôt, on sera connecté sur des réseaux virtuels, comme c'est cruel d'avancer avec cet état d'esprit réel et spirituel. C'est rationnel, la technologie est belle, est belle, est belle, est belle. L'information, on peut la diriger, mais pas la contrôler sur le net. On se fait critiquer à la télé, qui peut y croire encore à part les naïfs qui ressemblent pour le circuit de la société, qui s'approprie ce qui reste devant une télévision. Mais regarde autour de toi, le réel est une vie plus belle que ce qu'on veut te faire croire aux infos. C'est un peu la parano qui s'installe dans les foyers. Perso, on reste incognito. Et si j'ai pas le droit de faire ce qui me chante, je prends le gauche.